What is your name? Me llaman Lagrado. What is your favorite color? Ma maman m'a dit que je n'avais jamais parlé aux inconnus. Alors, dites-moi tout. Je voudrais être avec vous. Vous y êtes? Que celui qui ne s'est jamais endormi devant un film me jette la première pierre. Que le film soit intéressant ou non, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Il suffit d'un moment un peu plus calme, un peu plus lent, pour soudain sentir nos paupières devenir bien lourdes. Oui, mais alors pourquoi? Pour nous éviter cela, les films ne sont pas tous constitués d'action et de rebondissements. Les moments de longueur sont-ils là par volonté de nous endormir ou y a-t-il du bon dans l'ennui? J'ai eu envie de poser la question au festivalier. J'ai rencontré Jacques, Catherine et Bertille, à qui j'ai évidemment demandé s'ils s'étaient déjà endormis pendant une séance de cinéma. Pendant un film, ah oui, mais là, pendant ce film-là, je me suis pas endormi, mais je me suis assoupi. Je sais pas, 10 secondes, 20 secondes, quoi, mais pourtant, le film, j'ai trouvé très bien. Oh bah, parfois, au cinéma, oui, mais pas ici, pour l'instant. Je me suis endormi deux fois déjà, depuis le début. Moi, ça me pète les yeux parce que j'ai mes lentilles, mais sinon, c'est pas grave. Le réalisateur Serge Bozon, dans son film à sortir le 28 mars prochain, intitulé Madame Hyde, joue sur le rythme grâce au montage. Madame Jekyll, incarnée par Isabelle Huppert, est une professeure de physique dans une classe de lycéens professionnels. La pauvre professeure n'arrive pas à se faire respecter, que ce soit par ses élèves, par ses collègues, ou même par le principal du lycée, joué par un Romain Duris, hilarant de ridicule. Tout va changer lorsque Madame Jekyll va se transformer en Madame Hyde, une entité monstrueuse bien différente de la professeure. Dans le montage, donc, Bozon joue sur les contretemps, pour accentuer le malaise. Les plans s'enchaînent en dehors du rythme naturel de lecture. Volontairement, donc, la vision du film devient gênante et douloureuse, et sans dégage un sentiment de malaise, oui, mais qui nous fait rire aussi. Dans La vie de Brian, des Monty Python, sorti en 1979, bon nombre de gags reposent sur le rythme. L'ennui est alors tourné en ridicule par l'humour britannique. L'action se déroule en l'an 33. Nous suivons, je vous le donne en mille, La vie de Brian. Un garçon né le 25 décembre 0 à Nazareth et qui grandit dans l'ombre d'un certain Jésus-Christ. Dans ce film, une scène en particulier nous intéresse par rapport à l'ennui au cinéma, et il s'agit de la scène dite « des prophètes ». Dans les rues romaines, un travelling latéral nous dévoile la prêche de trois prophètes au style bien différent. Le premier, très expressif, presque fou, déclame sur la luxure et parle de démons sanglants. Le deuxième, sérieux et grave, prêche contre les pécheurs et la punition qui les attend. Quant au dernier, qui nous intéresse, il fait un long discours hésitant et timide, parlant en citant les Écritures, inventées pour le film évidemment, des petites choses que nous oublions ou perdons, du marteau que le père avait prêté au fils, mais que le fils ne retrouve plus. Bref, une scène d'un ennui profond, mais dans un effet de décalage qui nous fait nous tordre de rire. A l'inverse, dans Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda, sorti en 1962, chaque minute passée se ressent et nous heurte au plus profond de nous. Dans ce film, la jeune chanteuse Cléo erre dans les rues de Paris, devant attendre 2 heures pour avoir les résultats de ses examens médicaux et savoir si elle est atteinte d'un cancer. C'est une déambulation intense dans un décor parisien et une angoisse soutenue que l'on partage avec le personnage. C'est un film long et éprouvant. Nous partageons les angoisses de Cléo. Cette errance est une quête du temps qui passe, qui file. Le film nous invite à saisir le temps présent. Le parfait entre-deux entre Memento Mori et Carpe Diem. C'est une réflexion existentialiste qui vient nous conditionner avec habileté et nous interroger sur nos propres sentiments, nos propres angoisses. Cléo de 5 à 7, c'est une invitation à prendre le temps. Trouver notre bonheur, notre vitalité, profiter des choses qui sont belles, de la petite rue parisienne au sourire d'un inconnu. J'ai alors rencontré Dominique Rocher, réalisateur du film La nuit a dévoré le monde, passé en compétition samedi dernier pour les longs métrages français. Ce film de zombies français raconte la survie du jeune Sam en plein apocalypse, tel un Robinson Crusoe. Je lui ai donc demandé s'il était difficile de parler de l'ennui pendant l'écriture d'un film. Ah, c'est hyper compliqué parce que non, mais c'est un vrai sujet, c'est une question qu'on se pose beaucoup à l'écriture, que ce soit le scénario et même à l'écriture du montage. Forcément, on s'inquiète pour le public. Nous, on s'inquiète pour le spectateur, on se dit okay, comment on va gérer ça. Parce que moi, j'ai pas peur de l'ennui, surtout quand c'est ton film. Toi, tu es là, tu apprécies l'acteur, tu apprécies les plans, donc c'est dur à gérer. On avait la notion du temps qui passe, qu'on voulait raconter. Donc, en plus, moi, j'aime beaucoup le cinéma un peu lent. Je crois que j'ai été très influencé par Oussa aussi à un moment. C'est un cinéma qui me plaît énormément. Les films de Gus Van Sant, c'est un film qui me touche énormément aussi. Je pense que Paranoid Park et Last Day, c'était parmi les plus grosses références du film. Mais ça se voit pas du tout. Du coup, il y a une forme, oui, de lenteur. Mais voilà, il a fallu trouver le ton juste entre une certaine lenteur et garder un rythme narratif pour le public acceptable, quoi. Et voilà, on essaie de trouver cet équilibre, on a fait de notre mieux. Mais en tout cas, la lenteur ne me fait pas peur, au contraire. C'est quelque chose qui me séduit plutôt. Ouais. J'ai ensuite eu la chance de pouvoir m'entretenir quelques instants avec Madame Agnès Varda, qui m'a offert une belle leçon sur la lenteur au cinéma. Leçon que je vous dévoile en intégralité, car on ne coupe pas Agnès Varda. Il y a différentes façons de faire le cinéma. Il y a des gens qui ont travaillé le temps d'une certaine façon. Moi, j'ai fait un film Cléo de 5 à 7, exactement pendant 90 minutes précises, en me disant, bon, j'espère qu'ils ne vont pas lâcher. Il y a des spectateurs qui n'aiment pas les films lents. Il y a des magnifiques films de Ozu, il y en a un qui est repassé, qui sont d'une extrême lenteur. Il faut se préparer à ça. Et certainement, les clips et les vidéos qui ont déferlé dans les écrans et dans les petits téléphones font qu'il y a une certaine jeune génération qui veut de la vitesse, qui veut des montages abrupts. Très bien, c'est très bien. Je pense que c'est intéressant qu'on peut considérer le cinéma autrement, comme une approche du temps, comme une approche de la durée. Moi, j'ai fait des films très différents. Et il y en a qui sont plutôt lents, il y en a qui sont plutôt contemplatifs. Ils vont montrer aujourd'hui Documentaire, qui est un film plein d'images, mystérieuses, lentes, sans explication. Puis j'ai fait des films. J'ai fait un film féministe qui est chanté, qui est musical. Bon, je n'ai pas fait tout le temps la même chose. Mais je crois que le temps, la durée et la lumière sont les éléments du cinéma. Donc, il faut que les jeunes qui ont envie de comprendre le cinéma s'approchent de ces notions. Pas seulement dire c'est chouette, c'est pas chouette, c'est batte, c'est pas batte. Il faut essayer de comprendre que dans un film, surtout si le réalisateur a eu un projet, s'il a eu le projet d'explorer un peu le temps, essayer de rentrer dans le projet comme il est. C'est pas forcément qu'on dit c'est bien ou c'est mal, mais moi, ce qui m'intéresse dans les films, c'est qui les a fait et quel a été le projet. Donc, moi, c'est souvent ce que je propose dans mes films. Il y en a un bizarre qui passe cet après-midi, un film de 40 minutes qui s'appelle « 7 pièces, cuisine, salle de bain ». Il n'a aucune logique. Il est simplement une espèce de rêverie par rapport à une maison, à part pour l'idée que les vieux ne veulent pas partir et que les jeunes veulent se tirer. Mais à part ce concept-là, c'est une promenade dans une maison un peu magique. Ben, on aime ou on n'aime pas, mais j'ai profité de certains artistes qui avaient fait des décors. Et je suis rentrée là-dedans comme dans une rêverie. Donc ça, et puis on fait des films qui bougent, donc il y a la place pour tout le monde. Au cinéma, l'ennui est non seulement possible, mais bien évidemment utile. L'ennui, l'attente, les longueurs sont nécessaires. On s'ennuie sans s'ennuyer. Il s'agit en fait de nous faire ressentir des émotions, nous prendre aux tripes. Les cinéastes sont créateurs de sens et l'ennui a bel et bien du sens. Qu'il soit de nous faire rire comme chez les Monty Python, de nous mettre mal à l'aise chez Boson ou de nous faire partager une angoisse chez Varda, l'ennui au cinéma vient parler à nos instincts les plus primaires. Dites-vous que lorsque vous sentez la gêne monter, que vous regardez votre montre, que vos paupières sont lourdes, peut-être que vous êtes simplement en train de vous faire hypnotiser par un cinéaste astucieux. Et quoi de plus beau que d'être aspiré dans cette spirale de sens ? La beauté, justement, parlons-en, car il y a du beau dans le calme, il y a du beau dans l'attente, dans les pauses. Il est beau de nous rappeler parfois de ne pas oublier de prendre le temps et juste savourer. Je terminerai donc en paraphrasant un chanteur d'autrefois. Oui, c'est vous, l'ennui,